5.3. Oral comprehension and oral production. Listen to the following dialogues and answer the question that follows. Example. 1. Qu'est-ce qu'il faut donner aux jeunes gens? You hear, il faut donner un prénom aux jeunes gens. Then you hear the question, qu'est-ce qu'il faut donner aux jeunes gens? And you answer, un prénom. Or, il faut donner un prénom aux jeunes gens. 2. Tout le monde a un prénom. Pourquoi est-ce qu'il faut donner un prénom aux jeunes gens? Parce que tout le monde a un prénom. 3. La famille de Mireille n'est pas pauvre, mais elle n'est pas riche non plus. C'est une famille aisée. Est-ce que la famille de Mireille est riche ou pauvre? Elle n'est pas pauvre, mais elle n'est pas riche non plus. C'est une famille aisée. Son père est ingénieur chez Renault. Où est-ce que le père de Mireille travaille? Chez Renault. 5. Et sa mère est chef de service au ministère de la Santé. Et sa mère, où travaille-t-elle? Au ministère de la Santé. 6. Robert n'a pas de sœur. Il n'a pas de frère non plus. Il est fils unique. Est-ce que Robert a des frères ou des sœurs? Non, il est fils unique. 7. Ses parents sont divorcés. Est-ce que les parents de Robert sont mariés? Non, ils sont divorcés.